Merde, j'avais enlevé le micro. Attends, je le retrouve. Il y a une petite ressemblance. Ça va ça. Début. Bref. Bon, je vais aller voir un peu Phil. J'ai vu qu'il était sur un autre serveur. Ah non, il est plus là. Ah, il s'est barré. Il s'est barré. Bon, je vais me chercher un petit truc à boire. Moi. Je vais chercher à boire. Thank you.